Chapitre 10e. Le lendemain matin, les chevaux étaient à notre porte, tout bridés. On avait oublié que les selles. Pour s'en procurer, il fallut parcourir de nouveau la ville, ce qui n'était pas absolument récréatif, certains quartiers étant perchés sur des hauteurs et les rues n'étant bien souvent que des rochers sur lesquels on glisse à chaque pas. Après avoir bien questionné des passants et avoir été renvoyé de maison en maison, après avoir entendu mon compagnon s'écrier mille fois, avec des gestes de désespoir, « Un cavallo, senza !» et tous ceux qui l'écoutaient répétaient en s'éloignant et enlevant les yeux au ciel la même exclamation, « Un cheval sans selle !» Je commençais à penser que le plus court serait de partir à poil. Mais peu à peu, le malheur qui nous frappait était devenu une sorte de calamité publique, si bien que des officiers s'étant mêlés de l'affaire, deux selles ornées de leurs étriers nous furent apportées en triomphe. Cette fois, nous partîmes pour tout de bon. Le pays que nous parcourûmes pendant la première journée ne me procura pas encore les émotions dont j'étais avide. La nature, loin d'être vierge, avait déjà subi de profondes modifications. Nous passions au milieu de terres défrichées depuis longtemps et abandonnées. Souvent, il nous fallait traverser des flaques d'eau où nos montures enfonçaient jusqu'aux genoux. Nous arrivâmes vers le soir dans le village indien de Nova Almeida, habité jadis par les jésuites. Au milieu de la place, on voit encore une grosse pierre, à laquelle les pères faisaient attacher les Indiens coupables de quelques délits. Mon premier soin, en mettant pied à terre, fut d'aller boire et me laver dans une fontaine où je restais quelque temps sans pouvoir m'y rassasier de fraîcheur. La nuit fut la bienvenue après ce bain, car à peu de choses près, je pus donner ce nom aux aspersions que je m'étais prodiguées. Toutefois, je commençais à songer que l'heure du dîner était passée depuis longtemps. Mon estomac n'avait plus qu'un très vague souvenir d'un pâté dont le matin j'avais donné la moitié à deux chiens que j'avais rencontrés sur la route. Mon hôte avait une connaissance dans le village. Il vint me dire qu'on nous préparait un lit. Quant à la nourriture, le maître du logis étant pauvre, il y aurait, ajoutait-il, indiscrétion à lui en demander. Il me parut d'autant plus résigné qu'il n'avait pas comme moi partagé son pâté avec les chiens, et qu'en ce moment même, il achevait de grignoter quelque chose. Enfin, il pouvait attendre. Pour moi, je me disposais à aller rôder dans le village pour demander l'aumône d'un morceau de pain. Il me pria de n'en rien faire, car ce serait grandement offensé, celui qui nous accordait si généreusement l'hospitalité. « Mais ne vous inquiétez pas, me dit-il. Au point du jour, avant de monter à cheval, nous ferons des provisions. » Je trouvais qu'il était dur de se coucher sans souper, surtout quand on n'a pas dîné. Et il me semblait que le compagnon entre les mains duquel je m'étais mis un peu légèrement n'avait pas précisément pour moi tous les égards qu'en pareille occurrence j'aurais eu pour lui. Mais j'étais engagé et je n'avais plus qu'à prendre mon parti. Le lendemain, je vis pour la première fois des orchidées accrochées aux arbres. Nous passâmes aussi entre des espèces d'allées bordées de cactus géants, dont la tige a quelquefois 30 à 40 pieds de hauteur. Elle remplace le liège, on la vend par morceaux dans les marchés. De même que le jour précédent, mon compagnon allait devant. Je le laissais aller à sa guise et toujours accompagné de mon nègre. Pour moi, devenu passionnément entomologiste et conchyologiste, je continuais mes collections. On avait déjeuné assez bien avec des haricots et de la carne seca. On avait pris par précaution non seulement du vin, mais encore une lourde cruche pleine d'eau, fort à propos, car ce jour-là nous rencontrâmes beaucoup de sources d'eau très fraîches. Vers le milieu du jour, la chaleur était accablante. C'était avec bien de la peine que je me voyais forcé de quitter l'ombre pour regagner les bords de la mer. Je me ressentais encore de mes souffrances de Rio, et j'étais impatient d'arriver à Santa Cruz, le reste de mon voyage devant se faire en canot. Aussi, je fus bien heureux quand j'aperçus au loin, de la plage où nous étions, un clocher se dessiner vers le ciel. « Voilà Santa Cruz, voilà le Farniente pour quelques jours. » Je m'étonnais cependant. On ne m'avait pas prévenu que j'allais arriver dans un lieu si important. J'avais pensé que Santa Cruz était tout simplement un village indien, et l'église que nous apercevions me paraissait imposante. Pour le moment, il fallait rentrer sous les arbres. Quand nous débouchâmes dans la plaine, je vis bien des huttes couvertes avec des branches de palmiers, quelques maisonnettes peintes à la chaux. Je vis bien des pêcheurs, des femmes couleur de pain brûlé, vêtues de robes jaunes, rouges, oranges, avec des volants et des pieds nus. Par-ci, par-là, quelques messieurs portugais en habit noir, cravate blanche et les mains sales. Mais plus de clocher, il avait disparu. Et pourtant, comment avais-je pu m'y tromper? Il avait la forme ordinaire des clochers espagnols, portugais et brésiliens. J'avais bien remarqué de loin, par ce soleil qui fait distinguer une mouche à 100 pas, qu'il était peint en blanc, qu'il avait des ornements, des vases sculptés et des cloches. J'étais d'autant plus certain d'avoir vu ces dernières que je les avais entendues. Que penser de la disparition d'un édifice que je n'avais certes pas rêvé? Je ne pouvais avoir eu l'intention de me mystifier moi-même. Incapable de supporter plus longtemps cette incertitude, je me décidai à demander à mon compagnon le mot de l'énigme. Il me montra un mur de 3 pieds d'épaisseur, que j'avais déjà remarqué à cause de sa hauteur, mais dont je ne m'étais pas préoccupé davantage. Étant à la recherche du monument qui était devenu invisible pour moi, j'allais mettre un doute bien naturel sur la réponse de mon voisin, mais ayant fait quelques pas de plus en avant, tout un poème se déroula devant mes yeux, et je vis le chef-d'œuvre complet de l'orgueil humain dans sa plus naïve expression. Ce mur était bien réellement l'église, destiné à faire de l'effet sur le vulgaire. Car si de profil il n'avait que 3 pieds d'épaisseur, de face il présentait un portail complet, une façade. On entrait dans l'église en montant plusieurs marches. Au travers des fenêtres supérieures, on voyait des cloches qui laissaient soupçonner celles qu'on ne voyait pas. Des ornements, des vases sculptés, donnaient à ce monument un extérieur grandiose, préface des richesses d'art qu'il ne pouvait pas manquer de décorer l'intérieur. Voilà ce que j'avais entrevu de loin. Mais voici ce que je vis de près en me plaçant d'un autre côté. Ce mur, si bien orné de face, était seul, bien seul, étayé par des contreforts qui le défendaient du vent. Ceux qui étaient entrés dans l'épaisseur du mur, en montant les marches de cette cathédrale, en redescendaient par derrière pour entrer dans une triste baraque à peine un peu plus grande que les autres cases. Ceux qui avaient vu les cloches dans l'intérieur du clocher quand ils étaient placés devant la façade pouvaient voir en profil un échafaudage de maçon sur lequel le sonneur était placé commandément pour carillonner. On avait si bien fait les choses uniquement pour la gloriole que l'épaisseur du mur du côté de l'arrivée était seule enduite avec du plâtre, le revers n'offrait aux yeux que des pierres brutes. Qu'importe, l'honneur ou plutôt la vanité était satisfaite.